déjà la France c'est plutôt un grand pays en Europe quoi. Oui, mais c'est pas juste Paris, surtout et il est clair que le spectacle vivant est pas forcément partout représenté, tu vois. Et c'est ça qu'on essaie d'amener avec la crise. Les gens n'ont pas forcément l'argent d'aller au spectacle, au restaurant ou dans les bars. Et nous, on fait beaucoup de dîners-spectacles à cause de ça. Ok. Alors, les gens bouffent et en plus, voient un spectacle. Voilà, pour le même prix. Et du coup, ils sont proches de nous. On vend beaucoup de CD. Du coup, ça, c'est vachement intéressant parce que les gens veulent un souvenir de la soirée, oui, etc. Oui, oui. Ils ont bien passé la soirée. Voilà. Donc, ils veulent avoir un souvenir pour le dimanche. Voilà. Ça va mémoriser la soirée. Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça, il y a un rôle à la fois culturel et social qui est super, quoi. Ouais, et c'est vraiment à l'image des gens que j'admire, comme Lavilliers, Higelin ou CFN, des gens comme ça. Ils sont restés humanistes. Ils ont surtout vendu 100 000 disques avant d'être signés par une major, et comme ça, en jouant... Alors à l'époque, ils jouaient beaucoup dans les milieux ouvriers, etc. Malheureusement, ils sont beaucoup moins organisés vers la culture. Aujourd'hui, avec l'époque qu'on vit, c'est différent, quoi. À l'époque, il y avait beaucoup d'amicales, beaucoup de lieux qui étaient tenus par des syndicats, des ouvriers, et ils faisaient beaucoup venir des artistes. Notamment dans la sidérurgie, etc., dans la vallée de la Fenche, par exemple, en Lorraine, qui n'est pas très loin de chez nous, on joue souvent. Et voilà, moi, je trouve ça très, très bien. Et du coup, on en vit. On est totalement autonome et indépendant. Et on tisse des réseaux, des liens qui sont super. En plus, si tu veux, Paris, on y a beaucoup joué. Et c'est vrai que c'est une région où il y a 11 millions d'habitants, certes. Mais le bassin, par exemple, sur lequel nous on travaille, est beaucoup plus grand géographiquement, mais il y a plus d'habitants. Tu vois, entre le Rhône-Alpes qui fait 6 millions, l'Alsace 2 millions, le Lorraine 2 millions, tu vois, on est déjà rien que sur ces trois régions. Donc finalement, c'est vrai qu'il n'y a pas les médias qui centralisent. Malheureusement, c'est très difficile de faire de l'interrégional et d'avoir... Mais en même temps, c'est bien aussi. Dans chaque région, on fait nos preuves. Et puis finalement, on se retrouve souvent sur des très belles scènes, on est invité dans les bonnes émissions à cause de ça. Alors, tu aimes bien le côté humaniste de ton complètement travail. Et itinérant. Oui, effectivement, ouais. Tu te promènes d'endroit voilà. Avec ta guitare, avec ton bassiste, ouais. Ton contrebassiste. Et vous pouvez faire quelque chose super émotif et voilà. Les gens sont touchés. Et suite à ça, ben, tu vends tes albums. Alors donc, une pierre deux coups. Et exactement. Et puis ça nous a permis, par exemple, sur ce disque, d'être... On a quand même été 32e au classement national des radios associatives, tu vois. On est resté un an dans le classement. Ce qui est quand même très bien, tu vois, c'est alors qu'aucune radio nationale n'a voulu nous diffuser, à part évidemment notre ami Serge Levaillant. Ouais, sous les étoiles, exactement. Voilà, forcément Serge, c'est quelqu'un de fidèle et d'intègre. Et voilà, ça nous permet quand même d'être là. Ah oui. D'être là et de vivre finalement mieux qu'un artiste à Paris qui va zoner pour trouver des prods, des machins. Alors c'est sûr, faut pas avoir peur de faire sa comptabilité, faut pas avoir peur de s'occuper d'autre chose des fois que de la musique. Mais... C'est ça, mais de frapper aux portes et d'avoir son truc. J'ai la chance avec le réseau que j'ai tissé de plus trop frapper aux portes, je démarche très peu en fait. Non, mais la preuve, on a pu se dénicher quelque chose, voilà. Une petite salle intimiste en quelques appels, ça c'est merveilleux, ça c'est les amis. Voilà, c'est les réseaux. Au même titre que si... ces gens-là se retrouvent chez toi, tu vas les accueillir de la même façon. Bien sûr, ouais. C'est ça, c'est l'humanisme, hein, non? Je sais pas. Oui, exactement, hein? L'humanisme. Ouais. Et éventuellement, ben, un de tes rêves, c'est de passer au Québec. À fond. Ouais. Quand vous voulez. Mais surtout que tu as des amis qui pourraient... Pas à la rame, hein, c'est un peu loin. Ah, oui, mais il faut savoir nager. Je suis très bien nagé. Mais écoute, tu as des amis dans le milieu, donc pourquoi pas, hein? Puis bah oui. France-Québec, ça existe, hein? Ouais, je sais. Association ouais. France-Québec, donc éventuellement peut-être pour des spectacles un peu partout au Québec. Ouais. Autant dans les petites villes où les gens reçoivent très peu d'artistes, donc ils sont très heureux d'en voir un étranger. Donc c'est une pierre deux coups encore une autre fois. Tu vends ton album puis tu produis. Bah oui. Donc, mais j'ai 10 questions. Oui. 10 questions qui... où j'ai mis ça, parce que j'avais placé ça dans cette poche-là. Ah oui, attends un petit peu. On coupera au montage, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce qui va nous sortir? Si, ben écoute, je m'en souviens de quelques-uns comme ça, là. C'est sans doute là-dessus. Si tu étais un liquide? Si j'étais un liquide? Oui. Ben, naturellement, de l'eau. OK. Pourquoi? C'est la vie, j'adore l'eau. Un pastis sans eau, c'est dégueulasse. Ah oui, ouais, mais ça colle plus davantage. Hein, ça se rappelle un peu plus. Non, non, non, sans rire, l'eau. Ah oui, bien sûr. Si tu étais un mot. Et tu peux y réfléchir. Hein? Ouais, je vais réfléchir. Ah, ouais, ouais, ça demande. C'est important. Oui, un certain recueillement. Échange. Échange, pour le côté humaniste encore. Voilà. Si tu étais, j'ai trouvé une autre feuille, mais si tu étais une ville. Une ville. En gros, la ville que je préfère. La ville, oui, une ville. Que j'aime particulièrement. Ben, que tu n'as jamais visité peut-être, ou que tu aimerais visiter, ou alors, ça peut être une, aussi fantastique. Imaginons une ville comme Toulouse, mais au bord de la mer. Oh, ok. Oui, donc c'est une ville à inventer. Voilà. Si tu étais une langue. Ah, la langue, c'est particulier chez ouais. nous. Hein. Ouais, mais chez nous aussi, encore. C'est... Oui, bah oui, bah oui. Ouais, bah, vous, encore davantage, parce qu'il y a, bah, et puis... il y a anglais, français, allemand. Bah, il y a beaucoup allemand, suisse-allemand, et puis le nord, donc la Moselle est frontalière avec la Belgique et le Luxembourg. Donc, voilà, mais particulièrement, moi, ma grand-mère est italienne, parlait l'alsacien avant de parler le français, tu vois. Donc c'est... Mais la bouffe, c'est extraordinaire pour la bouffe. Ah oui, c'est terrible. C'est merveilleux. Donc je sais pas, je dirais une langue latine. Voilà, je ne veux pas me prononcer parce que ce serait peut-être okay. l'italien, le français ou l'espagnol. J'adore ces langues. Mais voilà. Tu peux les parler, ces langues-là. Oui. Ah oui. Ouais, ouais. Tu un petit français, peu. Français, anglais. Anglais, allemand, et puis. Allemand couramment. Et il y a ein bisschen. Ich habe mich schon gelernt und Deutschland gearbeitet. Ensuite. Et l'italien, j'apprends l'italien. Oh, si tu étais un aliment, et là, on arrive dans la bouffe. Ah oh, là, l'aliment, c'est les pâtes, quoi, tu vois. Ben oui, l'italien. La pasta chou. Ah oui, avec quoi? Ah, j'adore les pâtes que fait mon pote Franco à l'Hôtel de l'Ange à Guebwiller, en Alsace. C'est un italien des Pouilles et il fait des pâtes avec des noix de Saint-Jacques. Oh. Des petits poivrons, enfin tu vois, c'est des pastachoutes, quoi, c'est vraiment, il y a des petits légumes coupés, et puis un petit peu de fruits de mer, ça c'est terrible. Revenu dans une poêle comme ça, tu vois. Oh là là, voilà. Si tu étais une époque. Ah là là, forcément. Je vais pas faire mon musicien, je vais pas dire les années 70 ou 60, je vais faire. J'aurais bien aimé vivre. Dans la Grèce antique, tu vois, un truc comme ça. Oh, ça okay. être, ouais, tu vois, un truc délire comme ça. Ok. C'est, ouais, un pur délire, effectivement. Si tu étais une saison. Les deux saisons intermédiaires, hein, parce qu'on va toujours vers l'hiver ou on va toujours vers l'été. Et moi, je préfère le printemps et l'automne. Pour le côté frais, renouveau, fin. Pour la mixité, les champs, le mélange, les choses changent, tu vois. Le cycle. Voilà, le cycle. Si tu étais un membre corporel. Un membre du corps. Oui. Le nez. Ok. Pour avoir du flat pour goûter ton spaghetti. Pour sentir ton spaghetti. Ben, oui. Pour sentir ton spaghetti. Ben oui, le spaghetti. Oui, le gnocchi. Si tu étais un moment de la journée. si tu étais un moment de la journée. Alors, le moment de la journée que je préfère. Je devrais pas le dire, mais est-ce que je peux le dire, hein, je oh le oui, dis, ben c'est oui. pas grave. Hein. Ah non, non. De toute façon, ce sera pas diffusé en France. Hein. Ben, sans doute, c'est universel, c'est sur d'accord. Internet aussi. Moi, j'aime bien me faire une cigarette qui fait rire après le repas de midi avec mon ami. Lequel? Mon ami, eux. Mon ami, oh, ok, ok. La mère des enfants. Il y a une chanteuse, il y a un chanteur québécois qui s'appelle Pépé, qui dit un joint et un café. Ah, moi, ce serait. Ouais, après le repas de midi. Ah, mais lui, c'est le matin. Ah non, moi, c'est jamais avant. Ah, si tu étais. Ah, ben ça, je disais, moi. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Nom de Dieu. Ah, sans doute que j'aurais été avocat, politicien ou flic, je pense. Pourquoi un emploi de la droite? Bah parce que justement c'est dans ces milieux-là qu'il faut okay. influencer les choses pour qu'elles évoluent mieux. Et peut-être c'est une fois que tu es rentré là-dedans que tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ah non, il y a toujours à faire. Tu ah sais, oui, on est dans une région très, très extrême chez nous. Oui, et, ben partout. Ouais, et c'est là où il faut être le plus actif. Ouais. Tu penses pas que la corruption commence quand on... Ben justement. Ouais. Il faudrait que ça s'arrête là. Voilà. Non, ça s'arrêterait pas là, mais je préférerais la combattre comme ça, ouais. Ok. Voilà. Qu'avec des mots, parce que là, je la combats, mais avec des mots, avec des chansons, avec tu des... Tu le fais, c'est ça, tu le fais à travers ton... Ah oui, complètement. L'acte militant est important. Eh oui. Très important. Ok, alors tu fais une chanson militante. J'en ai quelques-unes, ouais. Ok. Et tu en es fier de... Tu es fier de proposer à ton public une vision qui te semble un peu plus dirigée, un peu plus soutenue, avec... Moi, j'aime bien donner des idées aux gens. Tu vois, d'utiliser. J'ai travaillé en radio pendant 3 ans. Ah oui? J'étais responsable de la production pub de la 3e radio associative de France. Ok. C'est une radio libre. Qui était une radio libre qui n'existe plus aujourd'hui. Et XB Radio Dreikland à Benfeld. Enfin, elle existe toujours, mais c'est plus la même. En Alsace. Ok. Et donc, j'ai pu vivre un peu ce qu'est la publicité et le message et travailler un peu ce truc-là. Et je crois que dans les chansons, déjà ils ont beaucoup, ces publicitaires ont beaucoup volé aussi aux créateurs artistiques, puisque les créateurs artistiques savent toucher les gens. Donc moi je suis militant, mais je mets des mots, j'essaie d'utiliser un peu de faire marcher le subconscient, de réveiller la conscience aussi par le subconscient, par le côté anodin des choses et simple, et les faire réfléchir, pas trop les moraliser, les faire réfléchir. Voilà. Okay. Alors, tu es un homme qui veut amener des principes, qui veut amener des... J'aime bien les principes quand ils sont humanistes, ouais. Ok. Alors, tu es ouvert au monde, tu es prêt à proposer, et en même temps, tu aimerais bien que ton public prenne un peu ce que oui. tu veux leur proposer comme mandat de vie, mandat de... Leur faire comprendre comment on peut en arriver à des situations comme on a aujourd'hui, qui sont finalement des situations qui ont déjà existé dans le monde occidental et les ramener à des principes justement primaires qui permettent justement de modifier ce qui se passe aujourd'hui qui n'est pas bien, que ce soit la destruction de la planète, des gens, la financiarisation de la planète, tout ça c'est pas bien quoi. Rockefeller, il existe toujours quoi. Oui, ben oui, il y a très peu de riches, mais les riches sont là. Il faut se bouger quoi. Ouais, quand même. Il faut se prendre en main. Il faut se bouger, ouais. Alors, Eric, on va peut-être se bouger pour aller t'apprécier à Québec. Alors, c'est à toi. Bah oui, bien sûr. J'aimerais bien. Ouais. Je vais essayer. On est prêt? Ah ouais, bah oui. On est prêt? Alors, ouais. J'espère que tu viendras nous proposer tes chansons. Bah à fond. Mais surtout que pendant quelques semaines, on va te consacrer une plage. Pendant un mois et demi. Excellent. Donc, on va entendre tes chansons, on va entendre la prestation que l'on a. On va capter dans quelques minutes avec les disques. Donc, ça va donner une idée à tout le monde. Ah, mais merci beaucoup. Mais ça me fait tellement plaisir parce que vraiment, CKRL est là pour ouvrir les horizons, faire connaître d'autres chanteurs et chanteuses. On n'est pas cloisonné, hein? On est ouvert sur l'univers francophone. C'est une belle démarche. Et on en fait partie. Ben, merci beaucoup. Ben, merci, mon ami. Merci d'exister. Merci à toi de nous amener tes chansons et surtout une joie de vivre. Ah bah écoute. À la revoilure, comme on dit chez nous. Voilà. Salut. Salut. Bye.